Je suis avec Lulu pour faire un petit report de la soirée de Amenra et de Verset Noir qui a eu lieu lundi 12 mai. Merci Lulu d'être avec moi. Merci à toi. Le principe, c'est qu'en fait, j'y suis allé seul à cette soirée. Donc, mon grand objectif, ça va être de te faire regretter de ne pas être venu, de te convaincre que la prochaine fois que je t'ai dit il faut venir, tu viens. Ok, Ça te va? vas-y. Donc la soirée du 12 était organisée par Noiser. Noiser, on les connaît Ouais. bien, hein. Et elle était dans la salle de la cabane. Donc la cabane, toi, tu n'y as toujours pas mis les pieds, je crois. Non, je n'y suis pas encore allée. Bah, écoute, Bonne sève. c'est une salle qui est pas mal, je trouve. En fait, il y a une... Alors c'est très compliqué de se garer, enfin, il y a un parking dans lequel tu peux payer que juste à côté, mais sinon Étonnant. tu peux pas te stationner en fait en gratuit. Mais bon, après, si jamais il y a le travail et tout ça pour s'en rapprocher. Ok. Et c'est surtout qu'en fait c'est une salle qui est sur plusieurs étages, donc tu rentres au niveau du rez-de-chaussée, immédiatement tu dois prendre l'ascenseur ou l'escalier pour monter au premier étage pour qu'il y ait quelque chose qui s'y passe. Et en fait, t'as un côté bar avec le merch et tu dois passer des doubles portes pour pouvoir rentrer dans la partie salle de concert. Ce qui fait qu'en fait ça permet, tu vois, de pas avoir le merch en plein milieu de la salle, D'accord, oui. de pas avoir le bar pareil en plein milieu, et quand tu es dans la salle, tu es là pour le concert. Donc ça c'est plutôt cool. Et du coup, il y a un troisième étage, parce qu'en fait, c'est une salle où il y a une partie assise et une partie debout. Ok, Le c'est non, c'est balcon, en marrant. fait, est assis. Ouais. Ok. Et donc, si jamais par l'extérieur, par les escaliers, tu montes donc au deuxième étage, là, tu as accès au balcon et au gradin, c'est là qu'il y a la régie son et tout ça. D'accord. Ah oui. Voilà. Plus haut que long, du coup. C'est plutôt en hauteur plus qu'en largeur, oui, comme salle. Pour la partie assise, parce que pour la partie debout, finalement, c'est une salle qui est assez courte en profondeur, vu qu'il y a les tribunes derrière, Ah mais oui, qui je par vois. contre fait un effet large par rapport au point à laquelle. Tu Ok. vois, Ouais, c'est un rectangle, je vois quoi. l'idée. Ok. Voilà. Voilà, mais c'est une salle où moi j'avais déjà fait le concert de Rotting Christ en décembre, donc Ah oui, c'est j'y étais vrai. déjà allé une fois. Franchement, le son était bon pour Rotting Christ, et là le son était encore une fois très bon. Voilà. Puis gros avantage, c'est que cette salle-là est équipée de pas mal de light, donc les jeux de lumière, ça y allait bien. Et en plus de ça, il y a un écran géant derrière qui aussi permet de projeter des choses, ce qui est pratique pour certains groupes comme Amenra. D'accord, Voilà. ouais. Mais tu vois, tout le monde n'utilise pas non plus, parce que Rotting Christ avait une tournée sans utiliser d'écran à l'arrière, et enfin, voilà, c'était Oui, chacun pas, ça, c'est normal. c'est ça. Ok. Du coup, la soirée a commencé avec Verset Noir. Verset Noir, je ne pense pas que tu connaissais. Non. Je t'en connais moi non plus. J'avais vu le nom, j'avais vu le style, et j'ai totalement oublié d'aller écouter, donc je me suis dit que je découvrirais sur le moment. En fait, c'est un français, c'est un one-man band, donc c'est vraiment une seule personne qui gère tout. Ouais, Du post-black électro. ok. D'accord, composante électro là. Ouais, Ok. mais elle est quand même marquée, quoi. C'est pas juste D'accord, ouais, c'est pas juste pas un juste un électro. brin par-ci par-là, elle est quand même bien présente. Et donc, en fait, sur scène, il a vraiment un hôtel, un hôtel Oui, religieux, ouais. avec dessus. Des cierges, des calices, enfin, vraiment toute l'imagerie religieuse, on va dire, de base. D'accord. Il a sa table de mixage posée sur donc l'autel, le micro à peu près comme ça, orienté qui vient du haut. Et en fait, il alterne tout le temps entre la musique qu'il gère sur ses pads, le chant qui est bien hurlé, qui est bien post-black, on y va. Et même à un moment, sur les derniers morceaux, il a même pris une guitare électrique, donc il jouait de la guitare, juste le chant. Ok, multitâche. voilà. Dis-moi. Hein. Multitâche. Ouais, multitâche, vraiment, c'est le gars fait tout. Et du coup, visage sous une capuche, qu'il a ensuite enlevé, mais entièrement peint en noir. Donc, je me croiserai dans la rue aujourd'hui, je ne serai pas par là. D'accord. Ok. Voilà, voilà. Et bah, écoute, musicalement, peut-être que. Enfin, non, toi, j'allais dire peut-être que ça pourrait te perdre, mais non, je pense que la partie du chant est trop blague, trop dur. T'arrives sur mes limites là. Voilà, te plairait pas, mais après, l'équilibre électro post-black, je trouve, il l'a bien, tu vois, c'est pas, il part pas ni dans, trop dans un sens ni trop dans l'autre. Après, moi, vraiment, dès qu'il y a quand même un électro bien présent, je décroche, donc. Voilà, c'était pas mauvais, le gars se donne vraiment à fond, c'était, franchement, respect à lui, parce que, tu vois, faire tout seul là sur scène, ça doit quand même être chaud, régulièrement, mais ouais, donc j'irais pas forcément réécouter, j'irais pas forcément revoir, bon, aussi la première partie quelque part, y a pas de souci, je vais pas arriver plus tard juste pour l'éviter, tu vois, non mais, ça arrive, oui, c'est la première partie, tu dis, ah non, je veux pas voir ça. Là, c'est pas le cas, c'est déjà pas mal, mais non, pas au point de. D'accord. Pas au point de retourner le voir ailleurs. Mais je suis sûr que ça a dû plaire à des gens, parce que d'ailleurs, il a été bien applaudi à la fin, voilà. Plutôt cool. Okay. Et voilà, plutôt quali. Et la deuxième. Du coup, la tête d'affiche, c'était Anebra. Ah, bah dis donc. Ouais, Ramendra que. Là pour le coup je voulais voir, c'était pour eux que je venais. Amendra, je t'avais fait un petit peu écouter, t'en as un peu des souvenirs ou pas du tout? Oui, mais ça fait un petit moment. Ça faisait partie des trucs que tu m'avais dit, faut que t'écoutes. Bah ouais, parce que c'est bien. ouais, j'en ai pas un souvenir. Comment dire? Pas contente. Tu vois, genre non, c'était pas non catégorique. Ouais, mais c'était pas. Mais c'était pas non plus un coup de foudre pour justement te dire allez, vas-y, je viens. Ouais, je comprends. Mais pour te le resituer, ils font post-hardcore, sludge, doom. Donc, tu as le chant qui est quasi en permanence hurlé et qui est assez déchirant dans la manière de faire. Vraiment, on sent qu'il souffre. Et voilà, et à côté de ça, la musique, elle est plutôt. C'est très mélodique, tout en gardant ce côté quand même très pesant, tu sais, et lourd qui retombe du doom, tu vois, de boum, boum, boum, tu sais, le truc qui te fait vraiment bouger la tête voilà, un rythme. Voilà, moi je trouve qu'ils équilibrent très très bien entre justement entre ce côté vraiment hyper meublé et la musique qui est plutôt. En fait, un côté beau, tu vois, un contraste assez beau. Donc, ils nous ont fait 1h15 à peu près de concert. Correct, hein, franchement, Oui, c'est bien ce qui me semblait. Oui, par contre, Amendra, c'est quelque chose qui est. C'est, musicalement, c'est long. C'est. La plupart des morceaux, c'est 8-10 minutes. Voilà. Il y en a quelques-uns qui redescendent à 5, mais c'est rare. Voilà. Et franchement, plus leur carrière avance, plus ils ont tout ça. Une minute par année. Voilà. Mais c'est. Donc c'est long, mais le truc qui est cool, c'est que sur la setlist, tu vois, ils nous ont fait un peu de tout. Ils ont sorti un double P là, le mois dernier. Ils ont joué deux titres de ce double P. Deux titres. Et à côté de ça, en fait, ils ont rajouté certains de leurs morceaux les plus connus, plus premier album, deuxième album, tu vois, vraiment un peu de tout. Et c'était bien. Je trouvais que c'était bien constitué, tu vois, en termes de cette liste. Voilà. Après, pour te parler plus scénographie, et en fait, c'est sur ça que moi j'ai envie de te dire qu'il faudrait venir à l'occasion pour voir, parce que c'est. Je pense que c'est là où justement tu pourrais être happé et trouver ça vraiment cool, même si musicalement tu as quand même une retenue. Alors déjà, la première chose, c'est que donc Colin, le chanteur, mm-hmm. il chante en permanence dos au public. Ok. Donc vraiment, il est dos au public et tu vas voir son dos toute la soirée. Ça, c'est un truc. Il ne s'adresse jamais au public. Donc, ouais. ils jouent leurs morceaux. Entre les morceaux, pas bonjour, ouais, pas salut, pas d'interaction du tout. Okay. C'est... Ils terminent. Blam, la lumière se coupe. Ils sortent. Fini. Voilà. Okay. Donc ça, c'est pour la partie, on va dire, un peu poser les bases. Après, par contre, ils utilisent énormément de lumière pour mettre des ambiances, tu vois. Donc toujours en noir et blanc, mais ils vont aller... mettre la lumière sur tel ou tel le guitariste, le bassiste, en fonction de ce qui se passe dans le morceau qui fait que tu mettrais plutôt en avant telle ou telle personne. Donc ça, c'est plutôt sympa, je trouve. Mais après, leur gros point fort, pour moi, c'est leur l'écran géant derrière. C'est en fait, tu as des images, soit des photos qui sont quasiment fixes, soit... Des parties de leurs clips ou juste des images qui ont été créées en lien avec les morceaux pour le live. Et en fait, ça te rapporte un plus visuel qui, sur scène, on le sait, il se passe pas grand chose étant donné qu'il est que le chanteur est dos à toi, que les musiciens sont quand même hyper absorbés dans leur truc, même de temps en temps sur route. Ne bougent pas trop et des fois se retournent eux-mêmes aussi. Ça reste quand même une veine très doom sludge, donc c'est statique, tu vois, oui. C'est... voilà. Le guitariste, à part faire ça en rythme avec la batterie, c'est pas non plus... tu veux dire qu'il va pas courir le long de la Non, scène. Voilà, c'est pas un groupe de punk qui saute partout, quoi. Mais du coup, ouais, vraiment cet aspect image qui, du coup, quand la musique se calme, se rallonge, est plutôt douce, tu vois, se passe pas grand chose sur les images. C'est, tu vois des paysages, tu vois des trucs, c'est assez contemplatif, t'as un côté beau. Ouais. Et en fait, au moment où ça repart, où ça se remet à taper, ben là, tu vas, par exemple, sur un morceau, tu vois, par exemple, tu voyais la mer, tu vois, qui, avec les vagues qui venaient se briser. Un peu comme sur les rochers, il y a vraiment un changement de style, un concept qui est vraiment autant visuel que musical avec eux maintenant sur scène. Et je trouve ça intéressant ce qu'ils ont réussi à faire, qui s'oppose souvent au style, des styles. Bon, après ils ne font pas que du doom sludge, il y a aussi une partie du post-hardcore. Mais souvent sur ce genre de style là, c'est assez... t'écoutes la musique, tu pourrais presque fermer les yeux, tu vois, pour te laisser porter par la musique. Là, si tu fermes les yeux, tu rates la moitié du show, quoi. Truc. Ok, d'accord. C'est assez, ouais. C'est assez con, quoi, ce style fait. Ok. Voilà. Après, voilà, on a passé... Enfin, moi j'ai passé une excellente soirée, vraiment. Le seul truc qui m'a un peu... fétilité qui m'a un peu saoulé à certains moments, c'est à certaines personnes dans le public. Ouais. Parce qu'en fait, quand tu vas voir des styles comme ça, et d'ailleurs mes voisins étaient dans le même état que moi à la fin, on en a discuté pendant 5 minutes, on était un peu gênés par certains membres du public, qui en fait avaient tendance à... Vu que le morceau fait 10 minutes, il n'est pas tout le temps en train de chanter, tu vois, chanter. Ouais. Mais il y a des moments, même s'il se passe rien au niveau du chant, les musiciens, tu vois, ils ont choisi d'allonger le morceau, ils sont là, il se passe un truc. Et en fait, régulièrement, il y avait des gens qui, dès que c'était dans ces phases-là, eh bien, ils commençaient à discuter, ils commençaient à parler. Et en fait, tu les entends parce qu'en fait, t'as plus de chant, t'as la musique, mais qui ne tape plus, tu vois, qui repartit sur un rythme encore plus lent, un peu plus doux. Donc en fait, tu les entends parler. Alors ça, et certains qui crient à poil après le morceau, Super. Ben ouais, et vraiment, avec mes voisins de concert, on a été assez déçus, saoulés par ça, parce que ça fait partie de ces groupes où, quand tu y vas, tu sais que tu y vas pour des morceaux de cette durée-là, tu sais que... Ils font pas un morceau de 10 minutes juste parce qu'ils ont envie de faire 10 minutes, c'est parce qu'il y a au fait, ils en ont envie. Il y a une raison, c'est que pour eux, ce temps de calme, et va venir s'opposer au thème un peu plus de violence, etc. Donc, en fait, il faut prendre le morceau dans sa globalité et pas juste j'ai envie d'écouter que quand le chanteur chante et le reste du temps je discute, je te passe une bière, je te ceci. Voilà, enfin, je trouve que ça c'est un peu. Enfin, j'ai pas été le seul, tu vois, donc qui a été un peu gêné par ce côté. On vient voir le spectacle. En plus, c'était des gens qui aimaient le groupe parce que. Tu vois, ils avaient des t-shirts, ils connaissaient les chansons, enfin c'était pas juste. De toute façon, je pense pas que tu vas voir Amendra, même si ça commence à être connu, bien connu, je pense pas que tu vas voir Amendra juste parce que le nom Amendra, tu vois. C'est. Ouais. Faut quand même connaître. D'accord. Mais du coup, ouais, j'ai été un peu. Sur ça, j'étais un peu déçu. Tu vois, Je comprends. Voilà. Et du coup, moi, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que ce que je t'en dis pourrait te convaincre minimum, tu vois, de venir la prochaine fois. Parce qu'Amendra, c'est un groupe qui passe quand même beaucoup en France et très régulièrement à Toulouse. Il y a quand même une histoire de grosse proximité entre Amendra et Toulouse. Donc, est-ce que toi, je pourrais arriver à t'embarquer dedans la prochaine fois? Bah écoute, il faudrait peut-être que je me remette en termes d'écoute déjà. Oui. Voilà, et puis bon, tu vends bien ton truc quand même. C'est au fur et à mesure, on va pas dire que tu m'en parles très souvent, mais un peu. Et ouais, bah pourquoi pas, puis on va finir par me laisser tenter. Si t'arrives à être encore assez persuasif. Ouais, après, il y a les deux passés, donc ils vont pas repasser tout de suite. Un peu. C'est ça. On verra. Mais bah écoute, j'essaierai de te harceler un petit peu avec ça quand elle ira bien. Pas de soucis. Écoute, merci Lucie de m'avoir écouté et essayé de te raconter pourquoi il te fallait venir. J'espère que les gens qui écouteront ça et qui n'ont pas pu y aller ou qui hésitent encore à aller voir Amendra sur scène parce que c'est trop violent, c'est trop long, ça leur donnera envie aussi de découvrir ce côté live parce que vraiment, t'as un Amendra CD, t'as un Amendra live. Les deux sont très proches musicalement, ouais. Mais en fait, t'as vraiment, c'est quand même une expérience. T'as vraiment une expérience et un plus, je trouve. Ok. Merci. Merci à toi.